like this. Do you like this? Do you like? Mesdames et messieurs, monsieur RP avec ça. Benji la réplique. Avec guitarique. Laissez jouer. Vous allez voir. Listen, Mr. Divine Guitar Player. Quoi faire. Je ne sais pas quoi jouer. Il va bientôt s'arrêter parce que... je vais te faire une vie. Je vais faire un truc simple. Pourquoi ça monte là? Juste la batterie. Qu'elle est pas. Ça manque une basse, hein. We'll be right back. bordélique. Je suis un peu bordélique. Pas pardon. Je vais essayer de faire toi. J'essaie de faire comme toi. What? Ça y est, j'ai plus de son. C'est fini la démonstration guitarique. Ça dure pas longtemps, 30 minutes. C'est guitariste qui t'offre 30 minutes. Alors après. En fait, j'avais une version craquée, mais c'est bien. Si tu remets le VST, que ça fait. Tu relances le VST, est-ce que ça marche? Ah ouais, ça marche. J'ai réussi à relancer le VST. Thank you. pas mal sa guitare. Ça. Ça buguait moi. J'ai jamais tabac qui bug.